Menace et rusée, tous les hommes sont-ils ainsi? Panaché comme il se doit, ce cru 2019 est un grand millésime. Puisqu'on parle de cru, on part du côté de Bordeaux, où Alain Juppé tourne une page de sa vie politique. Après 42 ans passés au RPR, puis à l'UMP et enfin aux Républicains, le maire de Bordeaux n'est officiellement plus membre du parti dirigé par Laurent Wauquiez. L'ancien Premier ministre n'est plus adhérent du parti depuis le 1er janvier pour n'avoir pas renouvelé sa cotisation 2 années consécutives. Ce sont des documents soumis à la Chambre de commerce néerlandaise qui nous l'apprend. Google a fait transiter en 2017 quelque 20 milliards d'euros vers les Bermudes, un paradis fiscal, via une société écran basée aux Pays-Bas dans le cadre d'un arrangement permettant aux moteurs de recherche américains de faire passer les impôts payés à l'étranger. La filiale de Google aux Pays-Bas est ainsi utilisée pour faire transiter les bénéfices générés en dehors des États-Unis vers cette filiale basée aux Bermudes où l'entreprise ne paie pas d'impôts sur les bénéfices. Carlos Ghosn, lui, doit être présenté au tribunal de Tokyo dans les 5 jours qui viennent pour être notifié de sa détention, du motif de sa détention. C'est ce que rapporte ce matin la chaîne de télé publique japonaise NHK, le PDG de Renault qui est incarcéré depuis le 19 novembre dernier pour des accusations de malversation financière. En RDC, l'Église catholique affirme connaître le vainqueur de l'élection présidentielle qui avait lieu dimanche dernier. L'Église qui réclame à la commission électorale de publier des résultats dans le respect de la vérité et de la justice. La RDC où Internet a été coupé ces derniers jours, ainsi que la diffusion de RFI. Des réseaux sociaux coupés également au Soudan, où Omar El-Béchir fait face depuis 15 jours à un mouvement de contestation contre la hausse des prix du pain. Les manifestations anti-gouvernementales ont fait jusqu'à présent 37 morts, d'après Amnesty. La coupure des moyens de communication pour étouffer une contestation, ça ne date pas d'hier, comme nous le rappelle Marc Lavergne, chercheur au CNRS et spécialiste de la région de la Corne de l'Afrique. Je me suis occupé du groupe d'experts des Nations Unies pour le Darfour dans les années 2000. Eh bien, chaque fois qu'il y avait une opération militaire qui était lancée par ce régime, Omar El-Béchir et son équipe au Darfour, eh bien, il y avait un cône de silence qui était mis de manière que le monde extérieur ne puisse pas savoir où se déroulaient les opérations et quelles étaient les victimes. Bon, dans le cas du Congo, ça montre bien que tous les rêves d'expérience démocratique que ce pays qui est la RDC, République démocratique du Congo, n'a jamais été démocratique, hélas pour elle, hein, et que c'est un lieu de pillage de ressources pour toutes les puissances occidentales. Aux États-Unis, la Chambre des représentants, où les démocrates sont désormais majoritaires, a approuvé hier soir un plan de financement partiel visant à mettre fin au shutdown, la fermeture des administrations fédérales qui dure depuis 2 semaines. Un plan qui n'inclut cependant pas les fameux 5 milliards de dollars pour la construction du mur voulu par Donald Trump à la frontière avec le Mexique et qui devrait donc être retoqué par le Sénat où là les républicains restent majoritaires. Et puis, pour la 2e fois depuis son départ de la Maison-Blanche, Barack Obama a publié son top de l'année écoulée en matière de livres, de films et de disques. On ne sera pas surpris de retrouver dans la première catégorie l'autobiographie de son épouse Michelle Obama. Bien sûr, mon favori, dit-il. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Il cite également Americana, un livre de Chimamanda Ngozi Adichie. Côté cinéma, le film fantastique Annihilation ou encore Black Panther, ainsi que le dernier Spike Lee, Black Klansman ou encore Roma d'Alfonso Cuarón. Côté musique, Barack Obama rend notamment hommage à Prince et à la chanteuse de jazz Nancy Wilson, disparue le mois dernier. Et il cite en particulier The Great American Songbook en l'honneur. Je cite ici Barack Obama et c'est un grand honneur d'une des plus grandes chanteuses de jazz de tous les temps. Du soleil sur l'ouest de la France et sur le sud, bref, seul un quart nord-est sera sous les nuages cet après-midi. Ça concerne également la région parisienne, des températures de 5 à 8 degrés en moyenne pour les maximales de 10 à 13 près de la Méditerranée. 9h07 sur TSF Jazz, à suivre Ben Webster, Christian Sands et un extrait de son nouvel album. Et tout de suite après la pub, la chanteuse Mélodie Gardot avec son Worrisome Heart. Plus graphique, plus ergonomique, incomparablement plus actuel et toujours 100% jazz, retrouvez-nous sur le nouveau tsfjazz.com. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Papa ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi les mandarins, ils sont chinois ? Hmm ? Alors que les mandarines, elles sont espagnoles. Aujourd'hui, le filet de 2 kilos de mandarines Mon Marché Plaisir est à seulement 1,49€ et c'est jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Soit 75 centimes le kilo.

rights to claim. I need a man who got no baggage to claim. I would be lucky to find me a man who could love me the way that I am. Worrisome trouble in baggage, modern day dame. Worrisome trouble in baggage, modern day dame. Ain't nobody the same. Mélodie Gardot sur TSF Jazz, Worrisome Heart à 9h14. À suivre, une nouveauté, le nouvel album de Stéphane Ronger, français de New York, qui a fondé là-bas à New York la Ron Gates Foundation, et on écoutera son nouvel album. Auparavant, New York, on y sera avec le très élégant pianiste Bill Charlap, on entendra Ella Fitzgerald, Ben Webster et Christian Sands, tout de suite avec un extrait de son dernier album, Samba da Vela. Thank you. Radio 100% Jazz. Ben Webster et sa version de Pennies from Heaven à 9h22 sur TSF Jazz. Thank you, ladies and gentlemen. We'd like to do a number dedicated to Louis Armstrong on his birthday. And it's a little different, and we hope you like it. It's a little impersonating. We do it pops. First chorus, Ella. Give you anything but love, baby. That's the only thing.